toujours une musique. Tu m'as donné la vie par esprit de famille, travaillé nuit et jour pour forger mon destin, oubliant les amis, le bon temps et les filles, pour que dans l'avenir je devienne quelqu'un. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Oui, il faut saisir sa chance quand elle vient. On ne sait pas d'avance quand elle passe, par où elle commence, d'où elle vient. Oh oui, il faut saisir l'amour, l'amour, l'amour, l'amour après le corps. Lui donner tout son être, lui donner tout son être et même plus encore. Vivre sa vie car elle passe. Il faut vivre sa vie comme elle vient. Malgré toi m'en fait un caractère. Et tu ne comprends pas que ceux qui ont 20 ans ont les mêmes erreurs que toi, tu finis la guerre. Et tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Je dois avoir ma chance, coûte que coûte. Oui, je dois avoir ma chance pour que demain sonne la délivrance et que mes doutes grâce et d'espérance me rend chemin. Oh oui, je veux lancer au ciel comme un défi le cri de mes 20 ans. Le cri de la jeunesse, le cri de la jeunesse qui veut défier le temps. Je cours après ma chance, cherchant la route. Ouais, ouais, les feux de l'expérience pour me brûler les mains. Hugo Frey, Nel Sedaka et Johnny Hallyday, il faut saisir sa chance. Extrait de la bande originale Douce Violence. Le 14 mars 1960 sort le premier 45 tours de Johnny. Son copain Claude Moine, le futur Eddie Mitchell, dans le même temps rencontre Aldo Martinez qui cherche un chanteur pour former un groupe. Ce groupe, ce sera Les 5 Rocks, puis Les Chaussettes Noires, dont le premier 45 tours sortira, lui, en décembre 1960. Johnny, l'idole des jeunes, est en place. Les Chaussettes Noires, le premier groupe de rock en France, sera le détonateur de cette année 61, avec l'apparition de groupes tels les Cousins, les Chats Sauvages, les Pirates, les Vautours. 1961, allez, une année complètement rock. Thank you.

Puis ses manches il retroussa, et de ses mains il façonna la divine douce et bonne, celle que tout le monde nomme l'éternelle femme et l'amour qu'elle a donné aux hommes. Oh, oh, oh, oh. Oui, c'est vrai. Ils ont d'abord sévi sous la Côte d'Azur avant de devenir les ennemis jurés des Chaussettes Noires. Car il faut bien le dire, en cette année 61, on était pour les Chaussettes Noires ou pour les Chats Sauvages. Il n'y avait pas de demi-mesure. D'ailleurs, les deux premiers groupes de rock français, n'hésitant pas à saboter le matériel de l'autre afin d'être les meilleurs lors des concerts de rock'n'roll. Amie Eva, je ne vous dis que ça. Oh, ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Oh, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah oui, ah oui, un gros chat noir, il est mort de peur, tué par ses yeux de malheur. Oh, ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Oh, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah oui, ah oui, ses petites mains, sans le vouloir, m'ont fait un œil au bel noir. Oh, ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Oh, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Oh, oh, oh, oh. Les soirs, elle doit comme un trou, et tout d'un coup, elle casse tout. Oh, ma petite amie, eh ben, je ne vous dis que ça. Oh, oh, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah ouais, ah ouais, yeah. Un sale voyou, en me laissant seul et sans un sou. Oh, ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah ouais, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Cliff Richard et les Shadows triomphent dans le monde entier et Jerry Lee Lewis effectue un retour remarqué dans les classements anglais avec son interprétation de Red I Say de Ray Charles. Tell me what? honey, what I say, and I wanna know. I wanna know right now. I gotta know, baby. I wanna know right now. Baby, I wanna know. Baby, I wanna know. Baby, I wanna know. Avec Gérard, c'est rockement bon. Chaussettes noires, Betty, excellente adaptation du Baby Blues de Gene Vincent. Un Gene Vincent qui plus tard voudra casser la figure à ce dénommé Claude Moine qui a osé signer ses chansons. Richard Anthony, les Shadows, les Allison et Petula Clark Romeo, l'année 1961 en musique, et c'est sur Radio Game Ozo. On saura que Juliette était blonde et Roméo fou d'amour. Tant qu'on saura que notre terre est ronde et qu'on en a fait le tour, on vous verra s'en aller le cortège des jolis rêves perdus. Et tout me tournera le manège des amours défendus. En Écosse, avec ta Juliette au bras. Tu t'en irais sans habit ni carence, lui passer la bague au doigt. Tu oublierais tes parents insensibles, mais toi, mais pauvre de toi. Pour sauver un amour impossible, tu n'avais pas le choix. But I'll pull through. Are you sure you won't miss out? Barry comes tomorrow. You won't want me back again to hold you tight. Now are you sure it's not your foolish heart that you won't grieve if we're to be apart? You will see as time goes by, we'll grow lonely. You and I dreaming of each other and we'll cry. Goodbye, farewell, I'm not sure what to do. So long, au revoir, it's hard but I'll pull through. Are you sure you won't be sorry comes tomorrow? You won't want me back again to hold you tightly. Stop and think, it's your decision now. For you're the one who went and broke the vow. You'll be sorry, wait and see. Spend your life in misery, wishing that you had returned to me. Goodbye, farewell, what is there to live for? Before you go, just think now, are you sure? Are you sure you won't miss out? Barry comes tomorrow, you won't want me back again to hold you tightly in my arms. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40.

a bien plus fort qu'avant. Je pensais tout ton chagrin, ça fait très mal, je le sais bien. Tout peut recommencer, il faut t'oublier. Notre amour sera bien plus fort qu'avant. Oublie la vie, il brise ton cœur. Reviens vers moi, je veux. L'amour sera bien plus fort qu'avant. Oublie la vie. Oublie la vie. Oublie la vie. En 1961, les Pirates font une entrée fracassante sur le marché du disque avec un 45 tours qui ne comprend pas moins de 4 rocks. Oublie Larry est une adaptation du Heads of Tulare. Alors, un tube de l'autre côté de l'océan pour son créateur, Del Shannon. Version originale que je vous propose de retrouver. Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy. Now he won't even look at her. Hats off to Larry. He broke your heart, just like you broke mine when you said we must part. He told you lies. Now it's your turn to cry, cry, cry. Now that Larry said goodbye to I want you back, I think you'll change. But there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry. It may sound cruel, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, but it's your turn to cry, cry, cry. Now that Larry said goodbye to que Ray Charles envahit les ondes avec Georgia On My Mind. Nicole Paquin sera la première femme à apparaître nue sur le petit écran dans une émission de Maurice Cazeneuve, L'Exécution. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes as sweet and clear as moonlight. through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia. Un carteron de généraux à la retraite prend le pouvoir à Alger. Albert Reisner tourne son premier programme télévisé, Achetendre et Tête de Bois, au golf Drouot. Brenda Lee, Les Shadows et Johnny Hallyday, Douce Violence, comblent leurs fans avec leur dernier tube. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Brendali, dum dum. En cette année 61, Jean-Claude Pascal fait gagner le Luxembourg au Grand Prix Eurovision de la chanson avec Nous les Amoureux. Johnny Hallyday, Dalida et Frankie Jordan enregistrent en français le 24 000 battis du rocker italien Adriano Celentano. je t'aime. Si tu veux bien me laisser faire pendant une journée entière, je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends les paris à la ronde sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Vois-tu chérie, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Massé ça quand tu m'en lasses. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place quand je te donne 24 000 baisers. Je fais un trait tous les 10 000, j'en suis au moins à 800 000, et je ne peux pas m'arrêter. Prends des paris à la ronde sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Et lorsqu'une fois centenaire il nous faudra quitter la terre sans même faire une prière, je suis bien certain que Saint-Pierre, en me voyant toujours sincère, me permettra de t'embrasser tout le temps de l'éternité. Les chats sauvages, Hey Pony, reprise du tube de Don Corey, un titre qui explose de tous ses feux. Mais c'est difficile de passer après les chaussettes. On y gagne des couplets supplémentaires et une meilleure interprétation que celle de Johnny. Oh, Pony. Hey, hey, hey, Pony, Pony, Pony, Pony, Pony. Oh, reviens chez moi. Pony, Pony, Pony, Pony, Pony. Hey, hey, hey. J'ai besoin de toi. Bonny, bonny, bonny, bonny. Hey, hey, Pony. Hey, Pony. Ah, ah. Je revois ton bonny, bonny, bonny, bonny, bonny, bonny. Je revois tes yeux. Bonny, bonny, bonny, bonny, bonny. Tout comme un lion en cage. Bonny, bonny, bonny, bonny. Moi je deviens furieux. Bonny, bonny, bonny, bonny. Hey, hey, Pony. Hey, Pony. Ah, ah. Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas à fou, moi ça m'étonne. Hey, hey, hey, hey, hey. Tu mens. Hey Pony, hey Pony, ah, ah. Mais c'est vrai et que ma voix est jolie, c'est toujours lui. Mais avec les cigarettes, je te voici. Hey Pony, hey Pony, ah, ah. Go Pony. Passe-moi encore, chérie, je n'aime que toi. Hey, Pony, hey, Pony, ah, ah. Hey, hey, Pony, Pony, Pony, Pony, oh, reviens chez moi. Pony, Pony, Pony, Pony, Pony. Hey, hey, hey, Pony, Pony, Pony, Pony, Pony, j'ai besoin de toi. Pony, Pony, Pony, Pony, Pony. Hey, hey, Pony, hey, Pony, ah, ah. Hey, hey, hey, Pony, hey, Pony. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We'd never part, so hello, Mary Lou. Goodbye. Passed me by one sunny day, lasso big, ride my way. Ooh,

et dis sois bon. C'est un temps car sans toi il s'ennuie. Ne la délaisse pas, essaie d'être gentil. Avant de l'emmener dans tes surprises parties, tu pourrais tout au moins lui demander son avis. Puisque tu l'aimes tant, aime-la pour la vie. Va faire un tour à la mairie. Yeah yeah yeah yeah, alors sois bon, sois bon. Oh hey, dis sois bon, sois bon, bon. Hey hey hey, dis sois bon, sois bon, bon. Hey hey, dis sois bon, sois bon, sois bon. Hey, non, le nom, sois bon. Hey, dis sois bon. Baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Let's dance. Come on, let's dance. Do the twist, the stomp, the mashed potato too. Any old dance that you wanna do. Come on. Come on, let's dance. Hey, baby, will you thrill me so? Hold me tight, don't let me. En mai 1961, que les Beat Brothers, les futurs Beatles, enregistrent un disque avec Tony Sheridan au top 10 de Hambourg. Let's Dance fait partie de ce disque qui sortira en Allemagne au mois d'août. Chaque directeur de maison de disque, sans trop s'en émouvoir, sent qu'il se prépare quelque chose et que peut-être il y a quelques millions d'anciens francs à gagner, à ramasser surtout, avec ces nouveaux gratteurs de guitare aux cheveux gominés. Chez Philips, on mijote le lancement de Rocky Volcano. Rocky veut se lancer dans la boxe. Le champion Ray Sugar Robinson, qu'il rencontre, lui dit « Tu boxes pas mal, mais tu chantes mieux ». Une semaine après son arrivée à Paris, il signe donc un contrat avec Philips. Le 20 mars 1961 sort donc son premier 45 tours, titre principal « Comme un volcan ». Volcan, volcano, on avait de l'humour au début des années 60. Depuis ce matin, à mon réveil, je suis comme un volcan. Ivre de printemps et de soleil, je suis comme un volcan. De tous mes 20 ans, je prends la vie, j'y mords à pleines dents. Chez moi je t'attends, viens ma chérie, je suis comme un volcan. Mon cœur éclate de joie, explose de joie. Éclate de joie,

le froid qui arrête la vie, le vent qui porte la pluie. Jamais trop de bleu et de rire. Le soleil, c'est pour les pauvres, pour les aider à vivre. Le moindre bruit qui me réveille, la ville ne dort pas. Sur son néon et ses enseignes, de cette joie qui se perd, c'est tout comme un monde qui me fuit. Jamais, non, jamais là croiseront nos routes. Le temps et les gens qui passent viennent semer le doute. Après minuit, le jazz qui pleure dans la fumée des bars, l'image du dernier quart d'heure de ces fleurs qui se meurent, c'est tout comme un cœur qui ne bat plus. Gérard, c'est roquement bon. Was ist das? Ein Elefant? Ja! Wisst ihr, was er hat? Ja! Hat er ein dickes Fell? Ja! Ja, der Elefant. Frisst ihr aus der Hand? Well, aber nein, ich tu das nicht, Baby, nein, ich kann das nicht, wie der Elefant. Baby, baby, nein, nein, nein, oh, das ist mir zu riskant. Ja, der Elefant frisst dir aus der Hand. Well, denn er hat ein dickes Fell, ich hätte mir eventuell schon den Mund verbrannt. Well, baby, baby, nein, nein, nein, oh, das ist mir zu riskant. Ich soll nach deiner Pfeife tanzen, heute und alle Zeit. Das schafft keine Macht der Welt, ich werd kein Pantoffelheld. Ja, der Elefant frisst dir aus der Hand. Well, aber nein, ich tu das nicht, Baby, nein, ich kann das nicht, wie der Elefant. Well, Baby, Baby, nein, nein, nein, oh, da sitzt mir zu riskant. Aus der Hand. Yeah, aber ich tu das nicht, Baby, nein, ich kann das nicht, wie der Elefant. Well, Baby, Baby, nein, nein, nein, oh, das ist mir zu riskant. Oh, das ist mir zu riskant. Oh, das ist mir zu riskant. Johnny Hallyday, Ja der Elefant, version allemande du Wap du Wap que je vous propose bien tout simplement de retrouver. 1961, une année complètement rock. Quelle veine insensée, j'ai été rencontré, ouais, en croisant chance. Ouais, la chance m'a fait de l'œil et je pense avec orgueil que je suis gâté. Woo! Car tu es jeune, oh tu es belle et tu aimes le twist, le twist. Comme c'est beau de voir ton corps qui se balance devant moi. Ta taille souple qui ondule, même les dents, tous mes états. J'aurais pu tomber sur une fille blasée. Ouais, qui n'a pour unique plaisir que de lire ou de dormir, mais je peux sourire. Ouais, car tu es jeune, oh tu es belle et tu aimes le twist, le twist. Tu aimes le twist. Comme c'est bon de voir ton corps qui se balance devant moi. Ta taille souple qui ondule, même étant tous mes états. T'as un caractère parfois très amer. Ouais, tu n'es pas sentimental. T'as l'air d'un jeune animal et ça m'est égal. Oh, tu es belle et tu aimes le twist, le twist. Et tu aimes le twist, le twist. Et tu aimes le twist, le twist. Et le twist. Marc Tellen, alias Carl Zéro et Nagui, futur animateur de télévision, poussent en cette année 61 leur premier cri de star. Tandis que Richard Anthony reprend avec succès le Hit the Road Jack de Ray Charles sous le titre Fiche le camp Jack. Sur Radio Game Ozo, que du plaisir. Fiche le camp Jack, il ne revient plus jamais, jamais. Fiche le camp Jack, il ne revient plus jamais. Qu'est-ce que c'est? Fiche le camp Jack, il ne revient plus jamais, jamais, jamais. Fiche le camp Jack, il ne revient plus jamais. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot, ou je pars au triple galop. Bye, bye, fiche le camp Jack. Qu'as-tu donc imaginé quand dans ses bras hier soir tu m'as trouvé? Tais-toi, tu mens, tu n'es qu'un coureur. Avec elle je t'ai vu, c'était pas ta sœur. Là tu m'en as dit trop et je pars au triple galop. Bye bye, fiche le camp Jack, il ne revient plus jamais, jamais, jamais, jamais. Fiche le camp Jack, il ne revient plus jamais. Qu'est-ce que tu dis? Fiche le camp Jack, il ne revient plus jamais. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. 161. Ray Charles prend la route et le métro parisien se dote d'un nouveau système de surveillance, la télésurveillance. La nuit du loup-garou fait trembler les foules. Les généraux Charles, Salanjou et Zeller font trembler la France lors du putsch à Alger. Figure mythique d'Hollywood, Gary Cooper disparaît. Et la sulfureuse Jaguar Tipe apparaît. Rudolf Nureyev, danseur vedette du Bolchoï, les ballets russes, demande asile politique à la France qui le lui accorde illico presto. Entre camps, plumes des oiseaux, des animaux. Les produits à laver de plus en plus blancs et propres se déchaînent. Les jeunes aussi qui cassent régulièrement les salles de spectacle où se donnent des concerts de rock. Rythme le twist, ouais, donne-moi la main là, et tu t'y prends bien. Le robot mari de Moulinex n'en peut plus de libérer la femme. Les Américains tentent en vain de libérer les Cubains en débarquant des cochons. Warren Beatty et Nathalie Wood, sous la direction d'Elia Kazan, ont la fièvre dans le sang.

l'époque, on pense de toute façon que le rock est plus une affaire de groupe. Les chaussettes noires en avaient lancé la mode, les chats sauvages suivirent, puis il y eut les pirates, Danny Boy et ses pénitents, et fin 61, les Vautours furent le dernier groupe de l'année avec un 45 tours complètement rock sur lequel figure Tu me donnes. Oui. Tu me donnes tant de joie, toi que j'adore, que mon cœur n'a vraiment pas le moindre petit tort. Si l'amour en moi est de plus en plus fort. Oui, tu me donnes bien souvent tant de bonheur. Oui, je ne voudrais pas que tout d'un autre à mon heure. Oui, bien sûr, ce serait pour moi tout le malheur. Oui, tu me donnes quelques boîtes de peine. Même pas une semaine, car ton cœur vient depuis longtemps s'enchaîne. Et je resterai porté de bras câlins. Salut les 60, la légende en musique sur Radio Gémozo. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, my baby, my baby, my baby. Well, she's the girl in the really blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mind my baby. Bebop-a-lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that gives a more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mind my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. On ne peut évoquer l'année 61 sans écouter le classique Bibabloula de Jean Vincent. En juin 61, le premier magnétoscope domestique est présenté dans le studio des informations de la BBC. Et les Marcel font leur entrée dans les hit-parades français avec Blue Moon. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Bomb for dang dang dang for ding and all ding boom boom boom boom. You knew just what I was there for. You heard me sing my prayer for someone I really did care for. Wah wah wah wah. Tandis que Johnny Hallyday, Richard Anthony et les groupes de rock français trustent les places dans les hit-parades français, John Layton en Amérique occupe la première place des charts avec Johnny Remember Me. When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold across the moor, I hear the voice of my darling, the girl I love and lost a year ago. It's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind blowing in the treetops way above me. Johnny, remember me. Yes, I'll always remember till the day I die. Johnny, remember me. Well, someday I guess I find myself another little girl to take the place of my true love. But as long as I live, I know I'll hear her singing in the sign of the wind blowing in the treetops way above me. Yes, I'll always remember till the day I die. I'll

Les chats sauvages, tu peins ton visage. C'est donc avec les chats que nous terminerons cette évocation de l'année 61, une année dominée par Johnny et les groupes de rock français. Dimanche 10h midi, rediffusion de l'émission. Notre prochain rendez-vous en direct, eh bien, c'est lundi dès 15h. Salut à toutes, salut à tous. Excellente semaine sur Radio Gémozo et n'hésitez pas à vous brancher sur Internet, dont voici notre adresse radiogémozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Salut à tous. Tonight I'm alone without you, my dear. It seems as alone for you still. But I'll just keep it there so I won't be alone in a little cabin home on the hill. There's someone has taken you from me and left me here all alone. To listen to the rain, we don't have no pain in our little cabin home on the hill. Yeah. Radio, collez branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés.